Toujours à la même occasion, un membre du comité central du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar et secrétaire du comité régional de Yangon, le directeur général de la maison d'édition Mit Tharmo de Myanmar et le président de l'organisation thaïlandaise d'études des Ejujutsu ont publié les entretiens.